Rebonjour à toutes et à tous, nous voilà ensemble pour notre nouveau rendez-vous Minute Bonheur. Tous les mardis à 8h et à 13h30. Et aujourd'hui, nous partageons ensemble ces Minutes Bonheur à penser à l'instant T. De la philosophie grecque au bouddhisme, en passant par les découvertes de la psychologie positive ou des thérapies cognitives, vivre l'instant est présenté comme la solution de tous les problèmes, même si l'expression a parfois eu des acceptations différentes à travers l'histoire. Carpe diem est une locution latine du 1er siècle avant Jésus-Christ, connue pour être une des premières à représenter ce concept. Elle est extraite d'un poème de Horace et traduite. Cueille le jour présent en te fiant le moins possible au lendemain. Ronsard, au XVIe siècle, écrivait dans le même esprit « Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie » dans ses sonnettes pour Hélène. Henri David Thoreau, au XIXe siècle, disait « Tu dois voir la vie dans le présent » te lancer au-devant de chaque vague, trouver ton éternité à chaque instant. L'instant présent, chaque seconde qui passe. On a sûrement tous entendu un jour une variante de cette citation. Hier était l'histoire, demain sera un mystère, aujourd'hui est un cadeau, c'est pour cela qu'on l'appelle présent. Chaque seconde qui passe. Et si l'on voyait chaque seconde comme un cadeau, la vie serait tellement fabuleuse. Il y a deux façons de voir la vie selon Einstein. L'une comme si rien n'était un cadeau, et l'autre comme si tout était un cadeau. Le présent est indéfini, le futur n'a de réalité qu'en tant qu'espoir, et le passé n'a de réalité qu'en tant que souvenir, comme l'a si bien dit Jorge Luis Borges, écrivain argentin. Mais cette vérité sur la capacité à vivre l'instant présent, le plus bénéfique soit-il, reste peut-être parfois insaisissable en tant que véritable mode de pensée ou ligne de conduite. On peut comprendre d'ailleurs pourquoi. Nous nous inscrivons dans une logique d'évolution, voire de développement personnel. On ne peut ignorer son passé ou éviter de s'inquiéter pour son avenir. Mais sortir de l'immédiateté et se projeter trop régulièrement sur demain a peut-être moins d'aspects positifs que de rester dans l'instant présent. Le risque est de remplir son existence de doutes et à adopter des dispositions psychologiques qui, sur le long terme, pourraient ne pas donner les résultats escomptés. Même si nous le verrons sûrement lors d'une des prochaines minutes de bonheur, la projection et la visualisation positive peut être très utile et donner à notre vie un tournant radical selon nos désirs. Mais quand on y pense, la projection et la visualisation représentent plusieurs secondes, minutes, instants de notre instant présent que nous nous employons à ce moment précis à en faire le meilleur, à en faire un moment agréable, puisque nous nous accordons du temps pour rêver. Mais revenons à notre instant T. Vivre l'instant présent, ce n'est ne pas s'inquiéter au sujet du futur ou regretter le passé. C'est laisser derrière soi toute pensée parasite et se concentrer uniquement sur ce que l'on est en train de faire. C'est accorder toute son attention aux personnes avec qui l'on est et à tout ce qui nous entoure, au lieu de diluer cette attention en pensant à ce que nous allons faire ensuite. Je pense que c'est ce que nous avons souvent du mal à intégrer, c'est que seul le présent est réel. 100% de notre vie se déroule au présent. Le passé et le futur ne sont en fait que des concepts. Perçois-toi que chaque nouveau jour qui se lève sera pour toi le dernier. Alors, c'est avec gratitude que tu recevras chaque heure inespérée, disait Horace. André Gide, lui, disait « C'est dans l'éternité que dès à présent il faut vivre, et c'est dès à présent qu'il faut vivre dans l'éternité. Qu'importe la vie éternelle, sans la conscience à chaque instant de cette durée. Le présent est la seule chose que nous puissions contrôler. Le passé nous a échappé et le futur ne nous appartient pas. Regretter le passé n'a jamais aidé personne, pas plus que de s'inquiéter à propos du futur. Ne pas vivre dans le présent, c'est donc tout simplement vivre dans une illusion. En soi, c'est déjà une motivation suffisante pour pouvoir vivre dans le présent, tant il paraît évident que ce n'est pas en se réfugiant dans un monde d'illusions que l'on pourra avoir une vie heureuse et épanouie. Se concentrer sur le moment présent est donc comme se concentrer sur sa respiration. C'est une prise de conscience d'un événement qui se produit déjà sans que nous y prêtions attention. Concrètement, chaque matin nous ouvrons nos volets, regardons autour de nous, sentons la douceur de l'air. C'est au moment du trajet pour venir jusqu'à la radio que je prends le temps de contempler Mère Nature et son spectacle incroyable. Je vis l'instant présent et ça me remplit. Nous avons l'habitude de penser à différentes choses à la fois. À haute voix, disons-nous ce que nous sommes en train de faire. C'est un moyen très simple de vivre l'instant présent sans laisser futur ou passé venir nous rendre visite. Vivre l'instant présent, c'est s'ouvrir aux autres pour déplacer son focus personnel. Essayez par vous-même. La prochaine fois que les doutes et les peurs concernant votre passé ou votre futur ressurgissent, engagez une interaction sérieuse et intéressante avec quelqu'un. Appelez un ami, interpellez un collègue, discutez avec votre partenaire. Le simple fait d'être ramené sur Terre par une personne de notre entourage à travers un échange verbal peut nous permettre de casser cette logique isolante de la réflexion ultra-personnelle et de vivre l'instant présent. Plus vous êtes attentif, moins votre esprit aura tendance à prendre des chemins sinueux. Restez sur les dires de votre interlocuteur. N'essayez pas de faire les choses par comparaison ou d'assimilation avec votre cas personnel. Vivre l'instant présent en s'autorisant l'extériorisation de nos peurs et en l'acceptation de nos émotions au moment M. On peut pour cela s'initier à l'art du journal émotionnel, une sorte de cahier intime. Ce dernier est un excellent moyen de confiner ses pensées, doutes et peurs dans un cahier qui, une fois fermé, ne devra plus laisser échapper son contenu. Le but est très simple et peut aider à établir une connexion avec la réalité des faits, à vivre l'instant présent. Ainsi, dans vos périodes troubles, vous pourrez très simplement coucher sur le papier des annotations et autres textes concernant votre journée et plus particulièrement vos ressentis ou dispositions psychologiques. Ce temps que vous vous accordez pourra être le seul, peut-être, où vous pourrez véritablement exprimer, extérioriser tout ce qui peut encore vous faire trembler, à moins que vous ayez une personne auprès de laquelle vous pouvez tout confier sans jugement ni crainte, sans conséquence. Il sera alors très bénéfique de pouvoir avoir de belles conversations sur les tourments, qui, une fois énumérés, ne paraissent peut-être pas si inquiétants. Comme nous l'avons dit, une fois votre récit achevé, vous vous contenterez de fermer votre journal et de passer à autre chose, en essayant cette fois de vous consacrer sur le concret, l'immédiat, le tangible. Le contact physique, un câlin, avec une personne que nous affectionnons plus particulièrement, nous propulse à l'instant même, à l'instant T. On se ressent, on ressent l'autre. C'est le maintenant. Quand vous vivez totalement chaque instant sans rien attendre, vous n'avez aucune idée du temps, disait Shunoryu Suzuki. J'espère que votre instant présent est agréable. Je terminerai cette deuxième de Minute Bonheur en citant Omar Khayyam. Sois heureux un instant, cet instant c'est ta vie. je vous laisse à vos miracles permanents, à la vie et à cet instant.